Jacqueline, tais-toi, t'écroule pas sur le sofa. N'hésite pas, marche tout droit, car tu n'existes que pour toi. C'est la loi de la jungle, mais regarde pas ce que tu déglingues. Arrête un peu de rêver, fais semblant de fonctionner. Bois pas trop, n'oublie pas qu'il faudra te lever tôt. Évite les plans trop barjots, marginaux, sac à dos, and go and so. Tu fumes trop, y'en a marre, faut arrêter les pétards. Et son art, t'es en retard, faut que t'arrêtes d'être un clochard. T'as qu'à te monter une affaire, faire un peu d'alimentaire. Tu seras ton propre patron, tu seras plus pris pour un con. On a beau être utopiste, faut quand même être réaliste. T'inquiète pas pour les dollars, t'as qu'à demander au pouvoir un rocard peinard. À l'Europe, c'est l'époque. N'oublie pas de mettre tes bottes, c'est fini les galères, les petits plans qui couillent de verre. Je me coupe les cheveux, change de look, j'ai l'air hargneux. Casse-toi, barre-toi, moi j'aime pas trop les babas. Moi tu vois, faut que ça braise, que je me ramasse un peu de fesses. T'inquiète pas pour la musique, j'en ferai quand j'aurai du fric. Électrique. One for the money, two for the show. We I can get rock and roll. Le pouvoir, ça me rappelle des histoires. La magouille, la débrouille, ni vu ni connu, j'en brouille. On refait tout comme papa, si tu suis quand même pas. Tu comprends, moi j'en ai chier, faut pas qu'on vienne m'emmerder. Faut que je pense à mes enfants, aux affaires. À la terre, comme ça survient une guerre. J'aurais des raisons de la faire. Et pourtant, quelque part, c'était pas ça au départ. Mais la vie, des conneries, nous a fait changer de trottoir. Je peux me dire que c'est normal, qu'il n'y a pas qu'en fait un cheval. Ça fait 20 000 ans de salir. Ça sera pareil dans le futur. Y'a vraiment plus rien à dire. Vaut mieux éclater de rire. Et pourtant quelque part c'était pas ça au départ. Mais la vie, quelle connerie, nous a fait changer de trottoir. Je vois bien que c'est normal, car pas besoin d'un cheval. Ça fait 5 000 ans que ça dure, ça sera pareil dans le futur. Y'a vraiment plus rien à dire. Ils vont mieux éclater de rire. Ça fera plaisir aux copains. Alors oui, bonjour. Bonjour. Non, mais pas du tout. C'est bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bon